Alléluia. Alléluia. Today I want to look at very important vision. Aujourd'hui, je vais regarder à vision importante. The written note of God. La note écrite de Dieu. The vision of the written note of God. La vision de la note écrite de Dieu. This is very critical here. C'est très critique ici. Because this is now eternity. Parce que maintenant, il s'agit de l'éternité. This is eternity, precious people. C'est l'éternité, précieux peuple. We are talking about now the kingdom of God. Nous allons parler maintenant du royaume de Dieu. Instead of coming here and people telling you how I used to be poor and when I started sowing the seed. À la place de venir là et que des gens vous disent, oh, j'ai été pauvre et j'ai commencé à planter une graine. The Lord started blessing me. Le Seigneur a commencé à me bénir. So if you sow more seed, you'll be blessed. No, that commercial gospel I did not bring. Alors si vous plantez plus de graines, ça va donner plus. Non, cette sorte de évangile commercial, je ne la porte pas. He has not sent me to bring that selling, the vending of the blood of Jesus. He has not allowed me. Il ne m'a pas envoyé pour apporter cette vente du sang de Jésus. Il ne m'a pas permis de le faire. But he has sent me here to announce. Alors il m'a envoyé ici pour annoncer. That the coming of the Messiah has drawn nearer. Que la venue du Messie est maintenant plus près. But now, that way of the Lord must pass through your heart. Que maintenant, ce chemin du Seigneur doit passer à travers votre cœur. If there are any mountains on the heart, s'il y a quelques montagnes dans le cœur, mow it down. Faites-la descendre. If there are any valleys in your heart, s'il y a quelques vallées dans votre cœur, raise it up. Soulevez-la. Let us make a plain, a straight way for the Lord in our hearts. Faisons une plaine, un chemin droit dans nos cœurs. If there is anything in your heart, s'il y a quoi que ce soit dans vos cœurs, that is exalting itself, qui vous exalte vous-même, if there is anything in your heart, s'il y a quoi que ce soit dans vos cœurs, that exalts itself, qui s'élève lui-même, that raises itself, qui se soulève lui-même, above Christ, mow it down. Au-dessus de Christ, faites-le descendre. That's a mountain. Ça, c'est une montagne. Alléluia. Alléluia. And the biggest problems in this world today, et les plus grands problèmes dans ce monde aujourd'hui, is the love of money, c'est l'amour de l'argent and sexual immorality. Et l'immoralité sexuelle. But I can give you a secret today how to overcome sexual immorality. Mais je peux vous donner un secret aujourd'hui, comment vaincre l'immoralité sexuelle. How many want to know the secret of how to overcome sexual immorality? Combien aimeraient connaître le secret de comment vaincre l'immoralité sexuelle? Listen. Écoutez. Fasting. Jeûner. Fasting. Le jeûne. Fasting. Le jeûne. I am releasing the secrets. Je révèle le secret. You must fast. Vous devez jeûner. Don't say, how will I begin? Ne dites pas, comment est-ce que je vais commencer? Fasting starts step by step. You can skip one meal, to, next time you skip two meals. Le jeûne commence pas à pas. Vous commencez par un repas et après deux repas. But listen to this. Mais écoutez ceci. Listen to this. Écoutez ceci. The Lord sent me to France in Paris. Le Seigneur m'a envoyé en France, à Paris. The pastors there invited me. Le pasteur là m'a invité. They said, ils ont dit, we heard, nous avons entendu and we hear, et nous entendons that the Lord has spoken with you in Africa there, que le Seigneur a parlé avec vous là-bas, en Afrique, regarding the coming of the Messiah, concernant la venue du Messie. So can you please come to us also? Alors, pouvez-vous venir vers nous aussi? We also want to prepare and enter the kingdom of God. Nous voulons aussi nous préparer et entrer dans le royaume de Dieu. We hear that you are rebuking sin. Nous avons entendu que vous réprimandez le péché. Come to us, come rebuke us also. Venez vers nous, venez nous réprimander aussi. We are also having sin here. Nous avons du péché aussi. And then They did a meeting, so I went. Alors ils ont fait un rassemblement, donc je suis allé. We did the first meeting, second meeting, Friday, Saturday, Sunday. Nous avons fait le premier rassemblement, le deuxième rassemblement, vendredi, samedi, dimanche. When I was supposed to leave on the 12th of May 2009. Quand j'étais supposé quitter le 12 mai 2009. That night, the Lord spoke with me in a very mighty vision. Cette nuit, le Seigneur m'a parlé dans une vision très puissante. Now you can pay attention to this. Maintenant, vous pouvez donner une attention à ceci. In that vision, dans cette vision, I just found myself in that vision. I was walking on a path. Je me suis juste trouvé dans cette vision. J'étais en train de marcher dans un chemin. And as I walked on the path, et comme je marchais sur ce chemin, I realized, j'ai réalisé, that there was so much light, qu'il y avait tellement de lumière, shining from heaven, brillant du ciel, onto that path, sur ce chemin. And as I continued walking on that path, the light was bright, so I could see the small stones and the rocks and everything on the path. Alors quand je continuais à marcher sur ce chemin, la lumière était si forte que je pouvais voir les petits cailloux sur le chemin et toutes choses sur le chemin. And then the voice of God. Et ensuite, la voix de Dieu. All of a sudden. Soudainement. Spoke from heaven. A parlé du ciel. In fact, it was so sudden that I was shocked. En fait, c'était si soudain que j'étais choqué. Because I did not expect the voice of God to speak. Parce que je ne m'attendais pas à ce que cette voix parle. I was shocked. J'étais choqué. What did the voice say from heaven? Qu'est-ce que la voix a dit du ciel? In that vision. Dans cette vision. The voice said. La voix a dit. Look and see what has fallen on your feet. Regarde et vois ce qui est tombé à tes pieds. Again. Look and see what has fallen on your feet. Encore. Regarde et vois ce qui est tombé à tes pieds. But because of the voice. Cela parce que à cause de cette voix, the shock of the voice, le choc de cette voix, instead of looking at my feet, à la place de regarder à mes pieds, I attempted to look up where the voice came from. J'étais tenté de regarder en haut d'où la voix venait. And when I looked up, et quand j'ai regardé en haut, where the voice came from, d'où la voix venait, this is what I saw. C'est ce que j'ai vu. Something. Quelque chose. Up there. En haut, là. Something, a piece of paper. Quelque chose, une pièce de papier. I saw a piece of paper falling from heaven like a kite, a kite. J'ai vu un morceau de papier tomber du ciel comme un cerf-volant. You know kites that kids play with. Falling from heaven, coming like that. Tombeau du ciel, venant comme ceci. And the next moment. Et le moment suivant, I realized, j'ai réalisé, when that piece of paper, quand cette pièce de papier, had fallen on my right foot, est tombée à mes pieds, du côté droit, fell on my right foot, est tombée sur mon pied droit, it fell on my right foot, tombée sur mon pied droit, in that vision, dans cette vision, and then I went ahead and picked it, et ensuite, je me suis avancé et je l'ai pris. In that vision, dans cette vision, when I picked it, quand je l'ai pris, I looked at it, je l'ai regardé, and I realized, et j'ai réalisé, it is a handwritten note, c'est une note écrite à la main, written with a blue fountain pen, fountain, you know the ink of fountain, écrite avec une plume à réservoir, the ink, not ball pen, ink, avec de l'encre, non pas un stylo. And it was written by hand because I could see the slanting, the little bit of slanting. C'était écrit à la main parce que je voyais que c'était une écriture un peu penchée. And it was written three times. Et c'était écrit trois fois. In descending order, like this. De haut en bas, comme ceci. First one here. La première en haut. Second one in the middle. La deuxième au milieu. Third one in the bottom. Et la troisième en bas. What was written on that note? From heaven. Qu'était-il écrit sur cette note du ciel? When I began to read. Quand j'ai commencé à lire. What was written on the note? Qu'est-ce qui était écrit sur cette note? This is what the first one above said. ce que la première disait à propos. It said, ça disait, I am coming. Je viens. Today, the secrets of God released you. Aujourd'hui, les secrets de Dieu révélés pour vous. The second one when I read, la seconde, quand j'ai lu, ça disait, I am coming. Je viens. The third one when I read, la troisième, quand j'ai lu, it said, I am coming. Ça disait, je viens. Precious people. Précieux peuple. How precious to come and say this to you. Combien c'est précieux de venir et de vous dire ceci. Blessed are the ears that can hear this. Que les oreilles qui peuvent entendre ça soient bénies. I am coming, says the Lord. Je viens, dit le Seigneur. The Lord is coming for the church. Le Seigneur vient pour l'Église. But if you look at the Bible in the book of Revelation 22. Mais si vous regardez la Bible dans le livre de l'Apocalypse 22. The last chapter of the last book in the Bible. Le dernier chapitre du dernier livre de la Bible. Revelation 22. Apocalypse 22. Verse 7 it says. Le verset 7 dit. Alléluia. Alléluia. Revelation 22. Apocalypse 22. Verse 7 it says. Au verset 7, il dit. He says, behold, I am coming soon. Il dit, voici, je viens bientôt. Blessed is he who keeps the words of prophecy in this book. Béni soit celui qui garde la parole de la prophétie dans ce livre. Did you get the message to the church? Si vous prenez le message qui est donné à l'église. So my question to you, now that the Lord has released a handwritten note. Alors, ma question pour vous. Alors, maintenant que le Seigneur a lâché une note écrite à la main, a message from heaven, un message du ciel, handwritten, that vision stunned me. Écrite à la main, cette vision m'a abasourdi. I had never known the relationship with the Lord can be such direct. Je n'ai jamais su que la relation avec le Seigneur pouvait être tellement directe. That was very mighty. C'était très puissant. Writing a note and sending it down. You understand? Écrire une note et me l'envoyer ici en bas. Incredible. Incredible. But anyhow. Mais de toute façon. Now that the Lord has announced. Maintenant que le Seigneur a annoncé. That I am coming. Que je viens. My question to you is this. La question que je vous pose est ceci. Have you kept the word of prophecy of this book? Avez-vous gardé les mots de la prophétie de ce livre? You understand the message there? Vous comprenez le message ici? What do the words prophecy, prediction? Que fait la parole prophétie, prédiction? What do the words of prediction? Que fait la parole de prédiction? What do the words of prophecy in this book predict? Que prédisent les paroles de prophétie dans ce livre? They predict. Elles prédisent. For example, in Hebrews 12, 14. Par exemple, dans Hébreux 12, 14. That for without holiness, nobody will see the Lord. Car sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. You see the predictions. Vous voyez la prédiction? Are you keeping the words of prophecy of this book? Est-ce que vous gardez les paroles de la prophétie dans ce livre? This book predicts that only the glorious bride. Ce livre prédit que seule l'épouse glorieuse. And there will be very few. Elle va y en avoir très peu. Will enter the kingdom of God. Entrera dans le royaume de Dieu. Have you kept that? Avez-vous gardé ceci? This word predicts. Cette parole prédit. That the way that leads to the kingdom of God is a narrow road. Que le chemin qui conduit au royaume de Dieu est un chemin étroit. That only very few will be found walking there. Que seulement un peu vont être trouvés marchant là. If you choose to walk in the highway of holiness. Si vous choisissez de marcher sur la route de la sainteté, you become a remnant. vous devenez un reste. Because everybody wants to go out there, movies, men, women, what? Parce que tout le monde veut aller dehors, voir des films, des hommes, des femmes. Immorality, disco, what name it, movies. L'immoralité, nommez-les, des films, des discos. Hollywood. Hollywood. But the words of this prophecy predict. Mais les paroles de cette prophétie prédisent. That only those who will be walking in this narrow and popular gate. Que seuls ceux qui seront en train de marcher dans cette porte étroite et impopulaire. And popular road. Un chemin impopulaire. Will see the kingdom of God. Ils verront le royaume de Dieu. Are you getting this message? Est-ce que vous avez saisi ce message? And he says, et il dit, only those who walk in the narrow road will enter the kingdom of God. Seuls ceux qui marchent sur le chemin étroit entreront dans le royaume de Dieu. Again he says, Father, listen to what he says, verse 12. Encore il dit plus loin. Écoutez ce qu'il dit, le verset 12. He says, il dit, behold, I am coming soon. Voici, je viens bientôt. My reward is with me. Ma rétribution est avec moi. And I'll give to everyone according to what he has done. Et je veux rendre à chacun selon ce qu'il a fait. I am the Alpha and the Omega. Je suis l'Alpha et l'Oméga. When the Lord sent a written note. Quand le Seigneur envoie une note écrite. A written message from heaven saying, I am coming. Un message écrit du ciel disant, je viens. What is the underlying message? Quel est le message souligné? We see now in verse 12. Vous voyez maintenant au verset 12. That when he says, I am coming, that also means he's carrying a reward in his hand. Que quand il dit, je viens, ça signifie, il porte une récompense dans ses mains. He is carrying a reward and he says, il porte une récompense et il dit, behold, he will give to everybody according to what they have done. Voici, il va donner à chacun selon ce qu'il a fait. This is the most important message that can hit the church. Ça, c'est le message le plus important qui puisse parvenir à l'église. This is the true awakening, revival. Ça, c'est le véritable réveil, le renouveau. That means from today on, you need to be careful what you do. Ça signifie que dès aujourd'hui, vous avez besoin de faire attention à ce que vous faites. Because he will give you according to what you have done. Parce qu'il va vous donner selon ce que vous avez fait. Me, I don't want a negative reward. Pour moi, je ne désire pas une récompense négative. The wages of sin is death. Le salaire du péché, c'est la mort. If you will disobey, si vous voulez désobéir, désobéir, when he comes, your reward will be eternal damnation. Quand il vient, votre récompense sera la damnation éternelle. Now we are speaking clear, straight talk, right? Maintenant, nous parlons clairement, franchement, d'accord? This is now straight talk, right? C'est maintenant de la franchise. Yeah, nothing is hidden right now. Plus rien n'est caché, juste maintenant. If you will do the works of righteousness, si vous voulez faire les œuvres de justice, your reward is the eternal kingdom of God. Votre récompense est le royaume éternel de Dieu. Did you understand the message? Est-ce que vous comprenez le message? He's saying, il dit, that even the church, que même l'église that enters the rapture, qui entre dans l'enlèvement, even the church that enters the kingdom of God, même l'église qui entre dans le royaume de Dieu, she must appear before the judgment seat of Christ. Elle doit apparaître devant le trône de jugement de Christ. So don't say that I have arrived, I have entered, so I'm okay. Alors ne dites pas, je suis arrivé, je suis entré, je suis en ordre. Even the church that enters, même l'église qui entre, must appear before the judgment seat of Christ, doit apparaître devant le trône de jugement de Christ. In other words, the Lord must ask you. En d'autres mots, le Seigneur doit vous demander. Judge you for what you ever thought. Vous jugez pour ce que vous avez jamais pensé. What you ever contemplated. Ce que vous avez jamais contemplé. What you ever did. Pour ce que vous avez jamais fait. What you ever heard. Ce que vous avez jamais entendu. What you ever saw. Ce que vous avez jamais vu. What you ever planned. Ce que vous avez jamais planifié. Everything, even the schemes of your heart. Toutes choses, même les projets de votre cœur. Read the book of Hebrews chapter 4 and 5. Lisez le livre d'Hébreux, chapitre 4 et 5. And he says, et il dit, for those who have done good, pour ceux qui ont fait le bien, he will give a reward. Il va donner une récompense. That reward, cette récompense is a heavenly reward. C'est une récompense céleste. That reward, cette récompense is recompensa, compensation. C'est une récompensa. Une récompense. That reward. Cette récompense. Is the price. C'est le prix. That reward. Cette récompense. Is the title God gives you when you enter into the wedding supper of the Lamb. C'est le titre que Dieu vous donne quand vous entrez au repas de noces de l'agneau. Some people will be very close to the Messiah. Quelques personnes vont être très proches du Messie. He himself writes about it. Lui-même écrit à propos de cela. He said, for my eunuchs, il dit, pour mes eunuques, they will have names greater than sons and daughters, ils vont avoir des noms plus grands que fils et filles. And they will walk with the lamb. Et ils marcheront avec l'agneau. The rewards will be different. La récompense sera différente. Pay attention to this. Faites attention à ceci. Have you focused on the first prize? Avez-vous porté votre attention sur le premier prix? As Christians, have you focused on the first prize? En tant que chrétien, vous êtes-vous concentré sur le premier prix? Now the Lord says, I am coming. Maintenant, le Seigneur dit, je viens. Have you focused on achieving the first prize? Est-ce que vous vous concentrez pour atteindre le premier prix? You see that, sharpen yourselves now. Vous voyez ça? Devenez coupant maintenant. Don't say I'm a Christian, that's enough. Ne dites pas je suis chrétien, c'est assez. Because the Bible in Daniel chapter 12, parce que la Bible dans Daniel le chapitre 12 says very clearly, dit très clairement. Write it, you read it from Daniel chapter 12. Lisez-le à la maison. Daniel chapitre 12. Verses 1 to 4. Les versets 1 à 4. He talks about the rapture. Il parle à propos de l'enlèvement. The same vision the Lord gave me, that vision November 25th, he gave me that vision. La même vision que le Seigneur m'a donnée. Le 25 novembre, il m'a donné cette vision. And he says, et il dit, multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Some to everlasting life, les uns pour la vie éternelle. Others to shame and everlasting contempt. Les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. And then he says in verse 3, et ensuite il dit au verset 3, those who are wise, ceux qui auront été intelligents, will shine like the brightness of the heavens, brilleront comme la splendeur du ciel. But those who lead many into righteousness, et ceux qui auront conduit beaucoup à la justice, will shine like the stars forever and ever. Brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. So different types. One group going to heaven. Alors, plusieurs types. Un groupe qui va au ciel. One group going to heaven, one going for judgment. Et un qui va pour le jugement. But the group going to heaven is split into two. Mais le groupe qui va au ciel est partagé en deux. Those who are wise, which means you live in the fear of the Lord. Ceux qui sont sages, ce qui signifie ceux qui vivent dans la crainte du Seigneur. They will shine like the brightness of the heavens. Ils vont briller comme la splendeur des cieux. But he says, mais il dit, for those who will lead people to righteousness, pour ceux qui ont conduit des gens à la justice, you will shine even brighter than heavens. Vous brillerez même plus que les cieux. Like the stars in the heaven, the stars are brighter. Comme les étoiles du ciel. Les étoiles sont plus brillante. That is what this message is when the note was sent. C'est ce que c'est ce message quand la note a été envoyée. When he said, I am coming. Quand il a dit, je viens. In other words, he's saying, en d'autres mots, il dit, he is bringing a reward. Il apporte une récompense. Some of you who have walked in righteousness, quelques-uns d'entre vous qui ont marché dans la justice, you will shine and you'll be brighter than everybody else, like the stars. Vous allez briller et même être plus brillant que n'importe qui, comme les étoiles. How do you lead people to righteousness? Comment est-ce que vous conduisez des gens à la justice? Do you go preach it? Est-ce que vous allez prêcher ça? Do you go sell it? Est-ce que vous allez vendre cela? Do you have to write a book? Est-ce que vous avez à écrire un livre? How? Comment? The Lord is saying, le Seigneur dit, that you lead people into righteousness, que vous conduisez des gens à la justice, by you yourself walking in righteousness, en marchant vous-même dans la justice. You see that? Vous voyez cela? When you walk in righteousness, quand vous marchez dans la justice, everybody looks at you and say, you know what? Tout le monde vous regarde et dit, vous voyez quoi? I want her God. Je désire son Dieu. I want to love her God. J'aimerais aimer son Dieu. She worships a special God. Elle adore un Dieu spécial. She never lies. Elle ne ment jamais. She never corrupts. Elle n'est pas corrompue. She's not immoral. Elle n'est pas immorale. She's compassionate. Elle est pleine de compassion. She rejects sin. Elle rejette le péché. She's happy. Elle est heureuse. She's healthy. Elle est saine. She's strong. Elle est forte. She's revival. Elle est réveillée. She's joy. Elle est pleine de joie. She's everything. Elle est tout. When you walk in righteousness, quand vous marchez dans la justice, that is the best evangelism for Jesus. C'est le meilleur évangélisme pour Jésus. That means you're worshiping the Lord. Ça signifie que vous adorez le Seigneur with the way you live your life. Avec la manière dont vous vivez votre vie. But if you are kind of a Christian, mais si vous êtes cette sorte de chrétien, that on Monday you go to work, qui le lundi va au travail, you are lusting at your boss. Vous convoitez votre patron. You are always trying to dress to impress your boss. Vous êtes toujours en train de vous vêtir pour impressionner votre patron. On Sunday you are a Christian. Le dimanche vous êtes un chrétien. On Monday you are trying to impress your boss. Et le lundi vous essayez d'impressionner votre patron. Soliciting for sexual favors, sexual immorality. Le sollicitant pour des faveurs sexuelles, pour de l'immoralité sexuelle. Then you are disgracing Jesus. Alors vous déshonorez Jésus. You have become a disgrace to the holy name of Jesus. Vous êtes devenu un déshonneur pour le saint nom de Jésus. The last one is verse 20 when he says, "Yes, I am coming soon." Le dernier, c'est le verset 20 où il dit, "Oui, je viens bientôt." Precious people. Précieux peuple. The message is clear. Le message est clair. The Lord is coming. Le Seigneur vient. But he's coming for a righteous church. Mais il vient pour une église juste. The church I see him taking is a glorious church. L'église que je l'ai vue prendre est une église glorieuse. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse.